Saint-Joseph. Ouais, petit. Viens, viens, viens, viens. C'est K-O-B-A-A-L-I. Hit it. Je me présente, je m'appelle Ali. Et j'aimerais bien réussir ma vie, être aimé, prendre ma monnaie, puis rentrer au pays pour aller dire maman t'inquiète, la galère c'est bien fini. Mais pour l'instant c'est système D, sans le RMI ma main, l'état veut pas m'aider, non. Street life, mais je suis un hustler. Dans la rue par intérim, Renoir, dealer ou receleur. Je suis pas fait man, dites-leur, corps de fer et gros cœur. Moi c'est ça mes dons, avertissement aux mauvais payeurs, hein. Fusil à pompe à la cave, retiens les j'arrive. Ce soir feu d'artifice, petit j'illumine Paris. Délire de ouf, dans ma tête ça sent le soufre. Je vois la chenouf en housse-couse, j'ai les envies de me vesquer en douce. Loin des soucis, à 3 francs 6 ou même si ce sont ces mêmes soucis qui me poussent à caresser un 6 coups. Mais c'est ainsi, on compose avec les mêmes 6 et les aléas pour aller haut, c'est pas facile d'être Ali. Et je ferai tout pour que quand je pars d'ici, je puisse être sûr que t'oublies jamais qui je suis. Rappelle-toi de moi quand les temps seront durs, quand la vie sera d'art, dis-toi j'aurais pu te faire pire. Rappelle-toi de moi quand ton cœur aura peur, quand ton corps pourra plus. Rappelle-toi qui a pire. Rappelle-toi de moi quand les temps seront durs, quand la vie sera d'art, dis-toi j'aurais pu te faire pire. Rappelle-toi de moi quand ton cœur aura peur et que ton corps pourra plus. Rappelle-toi qui a pire en foi. Retrouve-moi dans le bloc, pécos dans la bouche, blocos dans les sons buis, dans les poches, une centaine d'euros en coupure de sedi. Du sevi, Efteville et Schmitt tour, Nicolas merci. Mais un jour vos filles viendront nous vider les purnes. Tout le monde carme, star et caille dans le car. Vas-y rigole, GPX, mais demain en enfer, nous tous on crame. Alors j'aime mon arme, sentir son froid sur mon diffuseur de sperme. L'un qui défriche et l'autre qui me répand sans permis. J'ai pas l'air mais je suis opprimé. Mon cœur est déprimé, mon cerveau comprimé. Mais moi je ris quand même, même quand personne ne m'aime. Boto j'ai plus de larmes, c'est mort, je suis trop animal. Les crocs en sang plantés dans l'asphalte. Jacadie donne la carte et le code et t'auras pas mal. Argent facile et sale, mais ici c'est le seul. Souvent le poursuit jusqu'au linceul, l'esprit instable. Chasseur de monnaie sous toute forme, je défie toute norme jusqu'à la mort. Parce qu'être pauvre c'est tout comme. Mes dernières pensées seront toutes dans le combat. Jihad style, mec m'oublie pas. Rappelle-toi de moi quand les temps seront durs, quand la vie sera d'art, dis-toi j'aurais pu te faire pire. Rappelle-toi de moi quand ton cœur aura peur, quand ton corps pourra plus. Rappelle-toi qui a pire. Rappelle-toi de moi quand les temps seront durs, quand la vie sera d'art, dis-toi j'aurais pu te faire pire. Rappelle-toi de moi quand ton cœur aura peur et que ton corps pourra plus. Rappelle-toi qui a pire. J'ai deux bras, deux jambes, une tête, je frappe jusqu'au dernier souffle, jusqu'à temps que la porte s'ouvre et que la brèche devienne un trou. Les yeux rouges, j'ai le feu dans les coups, le sang sur les poings, le cœur dans le gouffre, l'antidote du doute, les peines accumulées datent. Un négro sous de ses dettes que n'essuiera aucun de vos disques d'or, même si les conneries que vous dites ne tiennent pas la route dehors. C'est des belles métaphores, métaflair. In the street, tu serais déjà mort, rien à faire. Ma vie c'est comme un ghetto, mon destin pris dans l'étau, sachant que sous mon nom risque de s'écrire parti trop tôt. Et ouais poto, j'ai pas de S ni de Kevlar sur mes pectoraux. Moi j'ai biscotto, vice et semi-auto. Fils de pute, tu vas me sentir si tu joues trop les shows, laïs. Même si t'es une masse, moi je m'en bats la race. Je l'ai lu dans le même livre où David défonce Goliath. Donc le jour où ça se passe, même si je meurs, je place one. J't'arrache l'oreille, tu m'oublies abs. Rappelle-toi de moi quand les temps seront durs, quand la vie sera d'art, dis-toi j'aurais pu te faire pire. Rappelle-toi de moi quand ton cœur aura peur, quand ton corps pourra plus. Rappelle-toi qui a pire. Rappelle-toi de moi quand les temps seront durs, quand la vie sera d'art, dis-toi j'aurais pu te faire pire. Rappelle-toi de moi quand ton cœur aura peur et que ton corps pourra plus. Rappelle-toi qui a pire, enfoiré. 7ème Nord, qu'est-ce qui se passe? 92 Pont de Sèvres. Wesh.